Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107FM. Et pour l'émission de ce soir, on va partir sur une note un petit peu plus sucrée. Hein. Je pense que vous vous souvenez un petit peu qu'on avait accueilli il y a quelques mois la confiserie des Hauts-de-Vosges. Et bien cette fois, on va accueillir une autre confiserie, la confiserie Bressaude, avec Denis et Bertrand. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, avant de parler de la confiserie Bressaude et aussi de votre travail au sein de la confiserie, j'aimerais avant toute chose qu'on sache ou que les auditeurs sachent un petit peu qui vous êtes, parce que je ne sais pas si vous êtes venu plusieurs fois chez nous. Alors, Bertrand Kiefer, je suis donc le gérant de la confiserie. Bah, enchanté. Et Denis ? Enchanté également. Denis, donc moi je m'occupe un petit peu des achats et puis tout ce qui est sponsoring et communication. Et tous les deux, ça fait longtemps que vous travaillez à la confiserie, donc déjà toi Bertrand. Alors moi ça fait un certain temps déjà, pour ne pas dire un temps certain, ça fait plus de 20 ans depuis l'origine de la confiserie, c'est-à-dire 1994, la date où on a ouvert la confiserie à la Bresse. Et Denis, ça fait 2 ans. Ah ben voilà, donc il y a des parcours effectivement assez différents, assez hétéroclites au sein de la confiserie. Toi Bertrand, vu que tu as dit tu es là depuis la création et tu m'as dit qu'elle est créée depuis 94, donc elle a 24 ans cette année. Donc oui, on sait déjà depuis quand elle est créée. Je te laisse parler. Oui, 94 en fait c'est la date où ça a été ouvert, où les visites ont été ouvertes au public. Mais la confiserie Bressaude est née début des années 80. Au départ, on faisait la confiserie, mais on ne faisait pas visiter les ateliers de fabrication. Et c'est depuis 94, début 94, où on a démarré les visites de la fabrication. D'accord. Et toi, tu es là depuis le tout début ou depuis 94? Moi, je suis à la confiserie depuis 92, en fait. D'accord. J'ai fait des études, j'ai été faire la guerre un an, enfin 11 mois. Exactement. Et puis après la guerre, je suis revenu travailler. Et tu as fait des études dans le bonbon ? Ah, pas du tout, non. Non, dans les études techniques. En fait, je suis ingénieur en microtechnique. Donc, ce qui n'a absolument rien à voir avec les bonbons. Oui, mais parfois, on se rend bien compte que parfois, on fait des études dans un domaine et qu'on finit par faire autre chose. Hein. C'est des choses qui arrivent. Bon, là, avec les études que j'ai faites, j'ai des collègues qui font un peu tous les métiers. Donc, ça mène à tout, finalement. Oui, ça mène à tout. Et donc, tu as dit, tu es entré à la confiserie Bressaude en 92. En tant que quoi ? Alors, au départ, j'étais en 92, c'était pas, il n'y avait pas encore de visite de la fabrication. En fait, j'avais commencé des programmes informatiques pour la confiserie et la boulangerie, parce qu'à l'époque, on était boulanger. En 92, après l'armée, donc j'avais pas terminé tout ce que j'avais commencé, donc j'ai continué donc tout ce que j'avais commencé. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé un peu dans la boutique. Et donc il y a eu ce challenge de démarrer les visites de la fabrication. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais fait mon métier, mais il y a eu ce challenge-là qui était assez intéressant et qui me permettait, moi, de rester dans la région, une région que j'aime bien, Donc c'était la raison un peu qui m'a fait faire ce choix. C'est ça qui t'a fait faire ce choix de rester et de continuer dans la confiserie, hein, comme 92, ça va faire 26 ans cette année que t'es dans labeur, le labeur, de dur labeur. En effet, ça se comprend, mais tu connais un petit peu les créateurs de la confiserie ? Ah bah c'est mes parents, donc je les connais un petit peu. Ah d'accord, c'est une affaire familiale. Je les connais un petit peu bien, on peut dire ça. Donc tu sais mieux que personne aussi pourquoi cette confiserie a été créée. Voilà, oui, l'historique, alors je ne sais pas si on en parlera, mais l'historique, ça remonte à très longtemps, c'est vraiment, vraiment ancien. Eh bien, tu sais, dans l'heure des loups, on commence les choses par le commencement et on aime bien commencer par l'historique. Donc, j'attaque parce qu'on en a peut-être pour un certain temps. Mais je t'en prie. Alors, donc en fait, tout a commencé dans les années 30, 1930, je précise le siècle quand même, avec ma grand-mère et mon grand-père qui ont ouvert une boulangerie sur la Bresse. Alors, malheureusement, mon grand-père a été déporté en Allemagne. Elle n'est jamais revenue. Donc, c'est donc ma grand-mère qui a tenu la boulangerie avec sa fille, donc ma mère, fille unique. Ma mère qui a donc épousé mon père dans les années 60, milieu des années 60. Donc, qui ont commencé à faire prospérer la boulangerie artisanale. Et avec l'essor du tourisme sur la Bresse, le problème est venu de gérer les grosses périodes de fréquentation et les très basses périodes. Et d'où l'idée de faire des produits de confiserie qui peuvent se garder, donc on peut fabriquer hors saison et vendre en pleine saison. Et mon père, qui est un peu la niaque, on va dire ça comme ça, a bien fait prospérer tous ces produits de confiserie, en commençant par la confiture, les nougats, les pâtes de fruits, enfin tout un tas de petits délices de confiserie. Et début des années 80, un peu par hasard, avec mon frère, qui fait également partie de la confiserie, ils sont allés acheter des machines d'un ancien confiseur qui fermait boutique. Alors ces machines-là, elles sont restées un an dans la boulangerie. À la limite, elles étaient plus là pour de la décoration presque. Et un beau jour, ils se sont dit, bah tiens, on a du matériel, pourquoi pas essayer de s'en servir. D'où les débuts de la fabrication des bonbons à la Bresse, début des années 80. Et puis le fil en aiguille, les bonbons prenant leur essor à la confiserie, à la boulangerie plus exactement, un beau jour s'est posé la question de faire visiter la fabrication. En 93, un ancien supermarché sur la Bresse a fermé ses portes. L'emplacement était vraiment idéal, juste au bord de la route, un parking assez vaste. Donc on en a profité, on s'est installé là, on a déménagé nos machines, monté l'atelier de fabrication pour qu'il soit visitable, et l'aventure a commencé, l'aventure de la deuxième vie, si on veut, de la confiserie Bressaude a démarré à ce moment-là. C'est à ce moment-là que les choses ont changé, que la boulangerie familiale est devenue une confiserie familiale. Et comme tu as dit, c'est quand même un projet familial. J'ai deux personnes en face de moi quand même. Il y a combien de personnes au total qui travaillent à la confiserie Bressaude à l'instant même ? Alors actuellement, on est une dizaine de personnes. Et l'effectif risque d'augmenter peut-être dans les années suivantes, suite à la forte augmentation du nombre de visiteurs ces dernières années. Oui, les choses continuent à évoluer, et dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est important de le préciser. Et donc, voilà, toi, Bertrand, tu es gérant. Tu as dit qu'il y avait ton frère aussi qui travaille. Il travaille toujours à la confiserie. Voilà, on est deux frères. Donc, à la base, mon frère était boulanger, était pâtissier plus exactement. C'est lui d'ailleurs qui a commencé la fabrication des bonbons dans le début des années 80, donc. Et aujourd'hui, il est responsable de la fabrication à la confiserie. Donc, il connaissait tous les secrets de la boulangerie, hein, autant en ce qui concerne la confiture, les gommes, les nougats, le pain d'épices, enfin, tout un tas de... Ce qui fait notre force, d'ailleurs, comparé à nos concurrents, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses autres que des bonbons. On va y venir à vos différents produits, mais comme on a parlé de toi, ta place au sein de la confiserie Bressaude, il ne faut pas oublier que j'ai un deuxième invité, il s'agit de Denis qui est là. Mmh. Alors Denis, tu as dit que ça fait 2 ans que tu es à la confiserie Bressaude. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a mené à travailler là-bas? Parce que bon, Bertrand, c'est bon, la réponse vient d'elle-même vu que c'est une affaire familiale. Est-ce que toi aussi tu es de la famille de la confiserie Bressaude? Pas du tout de la famille, non. Je connais Bertrand depuis un petit moment. Ce qui m'a amené, c'est avant tout de ne pas quitter le contact humain, puisque j'étais dans le commerce depuis mon plus jeune âge. Donc j'étais baigné dans le commerce et dans la vente, et j'ai été également un petit peu baigné dans le tourisme. Donc combiner les deux, c'était possible avec la confiserie Bressaude, puisqu'il y a la vente, mais il y a également le contact avec bon nombre de touristes, puisque on y reviendra tout à l'heure, mais au nombre de visites, on est près de 180 000 et on vise plus et encore plus tous les ans. Donc ça fait pas mal de contacts humains. Et puis également le challenge, parce qu'on a des challenges importants à relever sur les prochaines années. Bertrand l'a dit, pourquoi pas aller vers plus d'embauches, mais tout en restant artisanal. Et ça je pense que Bertrand, c'est un impératif. De garder ce côté artisan et ce côté vraiment proche des gens. Et ça, on veut pas y déroger. Donc oui, c'est important de mettre l'accent sur les valeurs de l'entreprise. Déjà, j'ai compris que c'est familial, mais qui dit familial dit convivial, humain. C'est important aussi, c'est aussi la raison qui m'a fait venir dans cette équipe, parce que c'est réellement une équipe. On est 10, je suis pratiquement le plus vieux de l'équipe. Oh non. Je suis pas loin. Non, je suis plus vieux. Ouais. Mais non, pour dire aussi qu'au niveau des vendeuses, au niveau des personnes qui sont dans l'équipe, il y a des plus jeunes, on s'entend très très bien, ça roule. Donc ça, c'est hyper important aussi. Trouver ce côté humain et dans la société et dans l'équipe, c'est important. Oui, j'imagine que c'est très important aussi de trouver sa place dans une entreprise. Et c'est important aussi de montrer... l'autre côté du miroir, et d'ailleurs l'autre côté du miroir, ou même à travers le miroir, c'est le titre de la première pause musicale que je vais passer. Un morceau de John Universe, et pour ceux qui veulent gagner un album que j'ai encore en stock, il suffira d'appeler pour donner le titre de l'album, tout simplement. Donc on s'écoute Through the Mirror, et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Et c'était le morceau Through the Mirror de John Universe. Et qui veut gagner un album de John Universe peut appeler au 03 29 62 40 40 pour nous donner le nom de l'album, tout simplement. Ou sinon, réagissez aussi sur notre page Facebook Radio Gamozo. C'est toujours avec plaisir, pardon, qu'on transmettra vos messages. On est toujours là pour parler d'un univers à part entière, bien entendu, d'un univers de bonbons avec la confiserie Brissaude. Et pour cela, j'ai toujours en face de moi Bertrand et Denis, vous qui travaillez tous les deux au sein de la confiserie. Alors Bertrand depuis 92 et Denis depuis 2016 environ, si je ne me trompe pas. Et on a déjà fait un petit peu l'historique de la confiserie. Les choses ont quand même beaucoup évolué vu qu'elle a ouvert ses portes aux visites depuis 94. Les visites, on va en parler tout à l'heure, mais qui dit production de bonbons dit produit bonbons. Et j'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu sur les différents types de produits, que les auditeurs sachent à nouveau qu'est-ce que vous fabriquez un petit peu. Alors, comme je l'ai dit lors de l'historique de la confiserie, on était déjà boulanger-pâtissier. Oui. Et ça, c'est très important parce qu'on a un savoir-faire de pâtissier qui date de dans les années 60, on va dire. Ça fait plus de 50 ans. On a un savoir-faire en confiture, en gelée de fruits, en pâte de fruits, en gomme, en nougat. Enfin, vraiment tout ce qui est... On a une palette de produits qui est très, très variée. Le plus gros des ventes, hors bonbons, évidemment, qui reste quand même le produit fort. On a bien sûr la confiture myrtille, très appréciée des touristes. Les gommes. Oui, les gommes, confiture myrtille et Mirabelle. Mirabelle aussi, également. Le nougat fait maison, caramel. Alors, les caramels depuis maintenant 3-4 ans, c'est une nouvelle palette de nos produits. Les chouchous, bon, les traditionnels chouchous qui plaisent toujours. Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? On en fait tellement qu'on ne sait même plus tout ce qu'on fait. Quelques biscuits, les pains d'épices, enfin vraiment on a une palette très très large. Assez large, et je pense que ce serait une bonne chose qu'on revienne un petit peu sur les détails des différents produits. Bertrand, tu as dit que initialement vous étiez quand même boulanger, pâtissier, et s'il y a aussi une chose que vous saviez déjà faire avant, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu sur votre site, d'ailleurs on donnera les coordonnées de la page Facebook et du site plus en fin d'émission, vous aviez déjà un certain savoir-faire pour le pain d'épices, c'est bien exactement. Ça exactement. Alors on a fait pendant des années, et d'ailleurs on fait encore, par exemple, les Saint-Nicolas en pain d'épices, qui était une production quand on était boulanger. Maintenant, on n'a plus la capacité de fabrication qu'on avait à l'époque, mais c'était vraiment le produit de pain d'épices qui cartonnait vraiment énormément. La période Saint-Nicolas, il y avait les nonnettes également, qu'on fabrique encore, les nonnettes... Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore? On fait vraiment beaucoup de choses. Les pains d'épices, les pavés en pain d'épices, chocolat ou nature. Avec chocolat ou nature. Il y a toute une palette assez vaste dans ce domaine-là. Ce qui est drôle, moi je suis assez neuf, 2 ans c'est tout neuf. Ce qui est marrant, c'est de voir des anciens clients qui continuent à commander les Saint-Nicolas pour leur comité d'entreprise ou pour leur société, qu'ils ont un... ils sont bons, quoi. Il faut appeler un chat un chat. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir tous ces anciens clients, qui continuent à l'être par le biais de leur comité d'entreprise ou de leur société, et qui nous commandent 100, 200, 300 Saint-Nicolas pour la période là, quoi. Voilà. Oui, c'est un de vos produits phares, ou c'est pas votre produit qui se vend le plus? Non, c'est quand même... disons qu'on a déjà plus la capacité de fabrication. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que la boulangerie... donc, c'était mes parents qui tenaient la boulangerie, qui ont pris leur retraite il y a une dizaine d'années, et donc la boulangerie a été vendue. Donc, il nous reste quelques machines. On a gardé quelques machines pour le pain d'épices, par exemple. Mais on n'a plus la capacité de cuisson, par exemple. On n'a plus tous les fours de pâtisserie. Donc on peut encore cuire du pain d'épices, mais on n'a plus la capacité qu'on avait il y a une dizaine d'années. Donc on limite la vente dans notre boutique. Parce qu'il faut savoir que la confiserie Bressot vend dans sa boutique et vend également à des clients, bah Denis le disait, des comités d'entreprise, des maisons de retraite, de clients divers. Et là, par contre, niveau pain d'épices, on est quand même plus ou moins limité. Oui, ça c'est pas le seul produit que vous faites, hein, parce que vous en faites d'autres. Vous faites des bonbons, des gommes, des nougats, des confitures. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, des caramels et plein d'autres. Mais vas-y, tu as la confiture, c'est ce que je disais tout à l'heure, la confiture myrtille. La Bresse est quand même, les Hauts-de-Vosges en général, est quand même un pays très touristique. Et la myrtille en général est très appréciée des touristes, qu'elles soient en tarte et donc en confiture ou en myrtille. Hein, myrtille au sirop, c'est quelque chose qui marche fort. Donc ça, c'est vraiment des produits presque dans le top des ventes de la confiserie. Oui, mais d'ailleurs, c'est une question que je me pose, comme ça au moins je l'aurais déjà posée. Pour le pain d'épices, il faut du miel. Pour les confitures, il faut des fruits. Donc vous êtes producteur de bonbons, mais vous n'avez quand même pas des vergers et des ruches, si ? Non. Pas encore. On n'a pas les ruches au fond du jardin, ni des alambics. Hein. On voit un peu d'alcool des distilleries du coin. Non, on a quand même pour le miel, on vend du miel en pot dans la boutique et notre marchand de miel, il nous livre son miel pour la fabrication, tant la fabrication des bonbons que pour le pain d'épices. En Saint-Laurent. C'est quand ça existe, quand le produit existe régionalement, on privilégie toujours le produit de la région. Par contre, le premier critère reste quand même la qualité du produit. Bien sûr. Si on ne trouve pas la qualité dont on a besoin sur place, on cherche ailleurs, mais on trouve vraiment beaucoup de choses. On est une région assez dynamique et on trouve quasiment tout ce dont on a besoin sur le secteur. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous privilégiez les partenariats avec des producteurs locaux, dans l'idéal. Oui, bien sûr. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des produits que vous pouvez peut-être pas faire d'ici. Je vais peut-être vous poser la question directement. Est-ce qu'il y a des parfums de produits que vous pouvez pas faire ici? Je sais pas, l'eucalyptus, on n'a pas d'eucalyptus qui pousse ici. Je sais pas comment sont fabriqués les arômes. Notre principal fournisseur d'arômes, en fait, il est sur Nancy. Il est de la région de Nancy. Mais alors, par contre, il ne faut pas me poser des questions sur comment c'est fait, parce que là, franchement, je ne suis pas assez qualifié, je n'ai pas les connaissances, je ne sais pas comment on fabrique. Et pour certains arômes, on a, en région parisienne, je crois, un fabricant d'arômes, comment on appelle ça, un fabricant d'arômes fabricant d'arômes, on va pas chercher midi à 14h. Côté technique. Voilà. Hein. Un parfumeur, peut-être, c'est un peu les mêmes métiers. Notre principal fournisseur est Nancéen. Donc, Lorrain, à la porte des Hauts-de-Vosges, quoi. Tout simplement, vu que y a certains produits qui peuvent pas être fabriqués à partir de produits bruts. Donc j'imagine les bonbons, je me souviens... Mais pratiquement tous des arômes naturels quand même, il faut bien préciser. Ouais. C'est pas parce que c'est fabriqué que... Non, justement, pratiquement parce que... tous sont des arômes naturels. Parce que je me souviens que la confiserie des Hauts-de-Vosges, hein, j'essaie de faire un petit peu des ponts, je sais que ce qu'ils ont à partir de pain ou de sapin, ils le font avec de l'huile essentielle. C'est exactement ça. Donc c'est aussi votre cas. C'est ça, oui. Vous travaillez à base d'huile essentielle qui, par conséquent, hein, c'est des produits naturels et certaines huiles essentielles, je le rappelle, sont comestibles comme celles que vous faites, hein, bien entendu. Donc ça, c'est pour vos produits. D'ailleurs, tant que j'y pense sur vos différents produits, il y a des questions que j'aime bien poser de temps en temps aux producteurs. Est-ce qu'il y a des bonbons que vous faites qui s'adressent à des clientèles en particulier, donc je ne sais pas, des diabétiques ou... Les bonbons sans sucre. On a le bonbon sans sucre, effectivement. Donc, qui est principalement... on a certains clients qui achètent ça dans un but, de perte de poids. Bon, on ne peut pas dire que ce soit l'idéal, parce que c'est que moitié calorique par rapport à un bonbon normal. Mais par contre, celui qui est diabétique, il est bien content de trouver des bonbons sans sucre. En rayon sans sucre, on a également de la confiture, sans sucre ajouté. Il y a toujours du sucre dans de la confiture, mais oui, sans bien sucre sûr, ajouté. Le fructose, je crois. On a quelques chocolats. On a quelques chocolats sans sucre. Là, par contre, celui-là, c'est pas nous qui les fabriquons. Et quelques gommes sans sucre, c'est pareil, c'est ça. C'est pas nous qui faisons. On n'a pas les ingrédients. Disons qu'il n'y a pas assez de ventes pour qu'on fabrique, quoi, finalement. Donc, pour ces produits-là, on a des prestataires qui nous fournissent. Et donc on a parlé des diabétiques et s'il y a une question aussi que je pose régulièrement, c'est est-ce que vous faites des produits végétaliens voire même vegan? Le bonbon est vegan, il n'y a que du sucre. Ouais. Le bonbon au miel, en principe vegan, tout ce qui est sauf le bonbon au miel, hein, puisqu'il y a du miel dedans. Forcément. Quoique le bonbon sans sucre, il y a de l'arôme miel, c'est de l'arôme miel. Hein, parce que le sucre est lui-même sucré, le miel est sucré, donc ce serait pas adapté aux diabétiques. Faut bien préciser que les bonbons sans sucre, c'est une production. Ça, par contre, c'est nous qui le faisons. Oui, c'est nous qui le faisons. Le bonbon sucre, enfin le. Il y a que les gommes qui sont exportées, mais oui. Le bonbon sans sucre, c'est voilà, fabrication c'est, maison. C'est nous qui faisons avec les mêmes recettes que les bonbons traditionnels. Mmh. Au niveau en ce qui concerne les arômes, c'est les mêmes, la même recette, mais par contre, on supprime le glucose et le sucre, qui sont les deux ingrédients principaux du bonbon, par de l'isomalt, qui est quand même tiré de la betterave sucrière, mais dont c'est un produit qui permet que le taux de que le sucre passe doucement dans le sang et ce qui ne fait pas faire de pointe de glycémie. Et donc, c'est très important pour les personnes diabétiques. Oui, j'imagine que c'est très important. Ça leur enlève une épine du pied parce que c'est vrai que quand on aime les bonbons et qu'on est diabétique, c'est très problématique. Et c'est exactement. Le titre de la pause musicale suivante que tu as choisi, Bertrand, Map of the Problematic de Muse. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Game Ozo. Thank you. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM. À l'instant, vous voulez écouter Map of the Problematic de Muse. Et vous pouvez sans aucun problème réagir à l'émission en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou en nous envoyant un petit message sur la page Facebook Radio Gémozo. Vous inquiétez pas, j'ai l'ordinateur d'ouvert en face de moi. Je suis toujours avec Bertrand et Denis de la confiserie Bressaude. Et pendant la pause musicale, on a quand même un petit peu discuté. Et Bertrand, tu m'as dit qu'il y a oui, quand même une certaine gamme de produits que tu fais qui sont véganes, sans que ce soit spécialement volontaire, mais c'est une bonne chose que ce soit accessible à tous les régimes alimentaires, voilà. Après tout, et tous les modes de vie. Exactement. Parce que le véganisme, je rappelle, c'est un mode de vie, c'est plus qu'alimentaire. Mais bon, voilà, autant dire que il y a déjà pour les diabétiques, pour les véganes, est-ce qu'il y a des produits qui se, comment dire, qui sont destinés à un autre type de clientèle? Oh. Pas spécialement. Tout le monde peut y trouver son voilà, compte. Tout le monde trouve un peu son compte. Il y a certains produits, par contre, où il y a des allergènes, comme les chouchous, c'est les tout ce qui est à base de coque. Ah bah oui, forcément. Tous les fruits à coque, les noisettes, les choses-là. Traces de coque ou coque. Voilà. Mais autrement, non, pas spécialement. Enfin, disons que nous, on ne fait pas vraiment des produits en fonction des modes de vie de chacun ou des modes... Le produit fort, celui qui est le plus réclamé, c'est évidemment le bourgeon de sapin, enfin le bonbon au sapin, puisque au niveau touriste, c'est le sapin des Vosges, le bonbon des Vosges. Quoi, donc même si c'est pas fait ici, les bonbons la Vosgienne ont fait une pub quelque part pour nous, tous les confiseurs de la région. Hein. Mais bon, alors, à savoir que c'est fait en Espagne, ça, mais il faut pas y toucher. C'est vrai que c'est le bonbon qu'on nous demande quand les gens sont là, le bonbon phare en sucre cuisse, ça reste le bonbon de sapin, le bourgeon de sapin. Oui, c'est vraiment la meilleure vente. Ah, c'est une des avec la violette. C'est ça leur rappelle leur enfance. Ils veulent faire ça découvrir ça à leur enfant, à leurs petits enfants. C'est pas mauvais la violette. C'est pas mauvais. Non, c'est très bon. Enfin, en tout cas, les goûts et les couleurs. Mais moi, voilà. J'aime beaucoup les bonbons à la violette. J'aime beaucoup les bonbons en fleurs. Hein. Mais c'est vrai qu'on a parlé donc de meilleures ventes. Mais c'est vrai que je vous ai pas trop demandé. Après tout, vous travaillez dans une confiserie. Vous avez peut-être goûté les produits. Est-ce que chacun d'entre vous avez un produit préféré à suggérer à nos auditeurs? Produit préféré, moi, c'est le chocolat. le petit défaut, un peu trop addict au chocolat. Ouais, et on fait des chocolats, on était chocolatier, donc on n'a pas précisé, je crois. Ouais. On était chocolatier, donc on fait des chocolats. Ouais, également. Malheureusement, donc on en a à disposition dans la confiserie. Donc ce qui est. C'est vrai que le rocher, c'est dur. C'est dur de résister. C'est compliqué de travailler dans une confiserie. C'est pas simple. Les bonbons sucre cuit, préférence, non, parce qu'il y a tellement d'arômes qu'il y en a plus de une trentaine. Trentaine d'arômes différents. Ouais, différents. Donc, par contre, on fait des bonbons au coca qui surprennent. On fait des Mirabelle, Myrtille, pomme. Ouais. Pomme marche bien. Ouais, pourtant, on ne croirait pas, mais ça a l'air tout simple. Mais la pomme va bien. Voilà, non, il n'y a pas de... Tout est bon, et c'est vrai, vous l'avez dit, hein, tu l'as dit, oui. Tous les goûts sont dans la nature, et chaque goût est unique, et c'est pour ça qu'il y a 30 arômes d'ailleurs. Plus de 30 arômes. Ah oui, justement, plus de 30 arômes, c'est quand même énorme. Alors c'est vrai que je ne sais pas si on aura le temps de tous les lister. Pour ne parler que de sucre cuit, parce qu'il y a également les gommes. Là, c'est un des points forts au niveau de la fabrication, parce qu'on est fabricant également de gommes qui sont faites par nous-mêmes. Et c'est vrai que les gommes eucalyptus, gommes sapin, gommes réglisse, l'hiver marchent fort. Et les gommes aux fruits l'été marchent. C'est un médicament. Hein, ouais, Ils sont addicts aux gommes. Moi, c'est le chocolat. C'est impressionnant. Et ils font des kilomètres et des kilomètres, ou alors ils passent par la vente par correspondance. Et je peux vous assurer que c'est hyper important pour eux qui reçoivent leur colis avec pour l'hiver leur gomme eucalyptus ou sapin. C'est hyper important pour eux. Oui, j'imagine que c'est important, mais c'est vrai que tant que j'y pense, donc il y a des parfums, il y a des choses qui marchent. Et j'ai déjà reçu aussi d'autres associations qui font des produits avec des parfums insolites. Alors, est-ce que vous, vous avez aussi des bonbons avec des parfums plutôt insolites ? Alors, on est à l'écoute de la clientèle. Donc, quelquefois, quand on a des demandes un peu spéciales, si la demande se répète, on essaye. Par exemple, est-ce que c'est vraiment insolite la rose ? La rose, c'est quasiment le plus insolite. Genépi, mais ça reste encore du classique. Disons que ce qui est vraiment trop insolite, les gens ont peur d'essayer et franchement, ça ne marche pas réellement. Donc, on en fabrique quand même quelques sortes, style la rose. Mais c'est vraiment pas ce qui marche le mieux. Non. Ou alors il faut que on soit en train de faire une fabrication de ces bonbons-là. Qui est la dégustation. Qui est la dégustation derrière. Donc ils se disent, ah bah tiens, c'est pas mauvais, donc ils en achètent. Mais autrement, si c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas... De prime abord, ils n'ont pas tendance à essayer. Mais pourtant, ça n'empêche pas après certaines personnes de tenter et de vous demander des choses un peu insolites. Et comme on en est un petit peu à l'insolite, au fait d'être unique, est-ce que la confiserie Bressaude fait un produit qu'elle est, on va dire, un petit peu la seule ou la spécialiste à faire ? La seule, non. Sur les Vosges, oui. Il y a certains produits dont on est seul à fabriquer sur les Vosges. Mais par contre, non, au niveau national, niveau même régional, je pense pas qu'on soit... je ne vois pas, Denis, je sais pas si tu vois quelque chose. Les spécialités en chocolat, quand même. Peut-être en chocolat, Neck, des choses comme ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être insolite et unique. Ça a été créé par la boulangerie, il y a de ça, plus d'une trentaine d'années. Ouais, donc, je pense que là, c'est unique. Ouais. C'est unique, mais... pour ce qui est gomme, sucre cuit, non. C'est des choses qui existent. Mais de la confiserie Vosges qui fasse des gommes, oui. C'est pas la même chose, oui. Qui a une palette comme la nôtre au niveau confiserie, il y a d'autres entreprises qui vont faire du pain d'épices, d'autres entreprises qui vont faire de la confiture, mais une confiserie qui rassemble dans un même lieu des bonbons, des gommes, de la confiture, du pain d'épices, des chocolats, j'en connais pas. Je pense pas me tromper en disant que sur le secteur, on est les seuls. Donc c'est un peu votre marque de fabrique, le fait d'être unique, d'être un carrefour de la confiserie en fait. Franchement, je crois que c'est notre point fort. Notre point fort, c'est l'éventail de produits fabriqués maison, et ça c'est sûr. Ouais. Oui, parce que vraiment, tous vos produits, ou presque, sont maison, je crois, un des rares. Pas tout, non. On a 80-20, hein, c'est la règle des 80-20, quoi. Ouais. Mais une grosse partie, oui. Oui. Et puis, de toute façon, on le signale. Si les gens se posent la question ou même hésitent, on leur dit très clairement, non, ça, c'est pas fabriqué ici. Mais la plupart des produits sont fabriqués maison, oui. Et j'imagine que les gens peuvent aussi voir de leurs propres yeux ce qui est fabriqué, comment, pourquoi, par le biais des visites dont j'ai envie qu'on parle un petit peu avant de passer la troisième et dernière pause musicale. C'est le point important du gros de la clientèle, je dirais. Citez-moi un lieu, mis à part d'autres confiseries, où on peut passer 45 minutes en apprenant d'une manière ludique, d'avoir une visite commentée et une démonstration de 45 minutes gratuite. Oui, parce que c'est... Il n'y a pas d'autre lieu où c'est gratuit. Donc ça fait une des forces et pourquoi on est dans les sociétés les plus visitées de France. Ça en fait partie, c'est parce que c'est gratuit, mais au-delà de ça, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Moi, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, finalement. Et cordonnier mal chaussé, on habite à côté, on n'y va jamais. Et c'est ce que j'invite aussi les auditeurs qui se disent, c'est une boîte à touristes. Ah, pas du tout. Mais pas du tout. Oui. Pourquoi il y a tant d'écoles qui viennent ? Pourquoi il y a tant de jeunes qui viennent ? Pourquoi il y a tant d'échanges scolaires qui viennent ? Parce qu'ils y trouvent un intérêt et parce que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et l'avantage, c'est que le confiseur qui connaît hyper bien ils sont au nombre de trois, hein, je mets Laurent dans le dans le nombre, parce que lui aussi, ça lui arrive de s'y prêter à cette visite. Bah, ils connaissent sur le bout des doigts ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils font et ils le font partager pendant 45 minutes en répondant aux nombreuses questions qui leur sont posées. Non, franchement, c'est gratuit et c'est intéressant. Donc pourquoi ne pas tenter la chose, quoi ? Oui, en effet. Et tu as dit ces visites sont quand même gratuites. Se font depuis la boutique de la confiserie ? Alors, il y a 7 visites par jour. Il y en a 2 le matin, 11h. On essaye de 10h et 11h. On essaye le plus possible de respecter ces horaires. Et on demande aux gens aussi de respecter, puisque c'est des cuissons. Donc, on ne peut pas non plus attendre indéfiniment que les gens arrivent, puisque une fois que la cuisson est... Et à son apogée, il faut faire les bonbons. Bien sûr. Donc 10h, 11h, l'après-midi ça démarre à 14h15 et c'est tous les 3 quarts d'heure. Il y en a 5 l'après-midi et la dernière donc vers 17h, 17h15 pour la dernière cuisson. C'est vrai qu'en période touristique, c'est un flux de personnes sans discontinuer qui ressortent ravis et qui ressortent... généralement en apportant un petit souvenir. C'est rare que évidemment les gens repartent sans rien. Or chez nous il n'y a pas de problème, hein. la personne qui veut juste faire la visite et repartir, hein. Puis on comprend et ça peut se comprendre, il y a des gens qui n'aiment pas les bonbons, il y a des gens qui sont là juste pour le savoir, et là il n'y a aucun problème, quoi. Oui, ça se destine à tout le monde, mais ces visites en fait en quoi ça consiste concrètement? Donc tu as dit ces 3 quarts d'heure. Concrètement on part de A et on arrive à Z, c'est à dire qu'on vous montre la fabrication du sucre cuit, du bonbon sucre cuit, de A à Z. C'est-à-dire on part de rien, on arrive au bonbon fini. Ah, de rien, on part du sucre, oui, des ingrédients, que tout le monde connaît, le sucre, bon, le glucose un peu moins. On part de la matière première, on arrive au bonbon fini qu'on déguste. Voilà. Bonbon au tiède, voire chaud au tiède. Ça marche bien, hein. Généralement, il y a combien de visiteurs par année qui viennent? Alors, jusqu'à il y a peu de temps, c'était qu'une évaluation, hein, parce que quand étant donné que c'est gratuit, on n'a pas de billetterie, donc c'était un peu délicat de savoir combien de visiteurs, donc c'était une estimation. On était un peu d'ailleurs en dessous des estimations. Depuis peu, on a mis des compteurs sur les portes, donc on sait qu'on est cette année aux alentours de 180 000. Et donc on vise au-delà de 200 000, vu la forte progression qu'on observe ces dernières années, qui est due en grande partie à l'essor de la Bresse. Hein. La Bresse est quand même un village, une ville très très dynamique, qui amène un flot de tourisme quasiment toute l'année. On a juste une petite période creuse octobre-novembre, mais autrement, toute l'année, il y a des animations, il y a la sculpture, on va avoir le championnat du monde de VTT. L'hiver, il y a beaucoup de manifestations de ski. Enfin, vraiment, c'est une ville très, très, très dynamique où il y a toujours du monde. Et donc nous, indirectement, on profite de ce monde-là. De ce dynamisme, au-delà de la Bresse, c'est un dynamisme sur les Hauts-de-Vosges. Hein. Sur les Hauts-de-Vosges en général, exactement. C'est vrai que les Hauts-de-Vosges commencent vraiment à sortir un petit peu leur épingle du jeu au niveau touriste. Au niveau tourisme. Nous, on essaye, par nos moyens, d'essayer tout le temps de favoriser chaque fois qu'il peut se faire quelque chose, chaque fois qu'on peut aider pour une manifestation, on y va parce qu'on sait que c'est bon pour les Vosges, c'est bon pour les Hauts-de-Vosges et c'est bon pour tout le monde, quoi, finalement. Hein, donc, c'est donc bon pour nous aussi. Et ce qui est bon pour tout le monde, c'est que j'ai lu aussi que vos visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Je pense que c'est très important de mettre l'accent dessus. Et on a énormément de groupes. On parle d'handicapés, mais ça peut être un handicap pas forcément physique, hein, ça peut être un handicap intellectuel. On a l'habitude de recevoir ces groupes et ça pose absolument aucun problème. Aucun souci, non. Ça, oui, en effet, ça ne pose aucun souci, vu qu'après tout, vous êtes vraiment ouvert à tout le monde. Vous êtes gratuit aussi pour ces visites durent 45 minutes. Environ 45 minutes, oui. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de voir ce qui se passe au sein de la confiserie Bressaude et aussi de voir comment, comment on fabrique les bonbons. Mais je vois l'heure qui tourne, donc on va peut-être passer la troisième et dernière pause musicale pour en arriver à la conclusion. Et le dernier morceau, cette fois, c'est toi, Denis, qui l'a choisi. C'est un morceau de U2 intitulé With or Without You. Donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. You Et c'était With or Without You de U2. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM pour la conclusion de cette émission, tout doucement. Mais avant qu'on en vienne à la conclusion, vu qu'on est toujours avec Denis et Bertrand de la confiserie Bressaude, il y a une dernière chose sur laquelle je voulais un petit peu qu'on parle, vu que j'ai un petit peu surfé sur votre page Facebook et votre site qu'on donnera à la toute fin. Ne vous inquiétez pas, restez, il n'y en a plus pour très longtemps. Donc vous avez une certaine actualité quand même, vous êtes assez actif dans le secteur. On est actif et les sportifs sont actifs avec nos couleurs, ouais, parce que c'est toujours la même chose. Bertrand et moi, on aime le sport. Enfin, Bertrand fait encore du sport, moi un peu moins. Mais on a toujours aimé ça. Et au travers du sport, il y a également une chose importante, c'est que ça défend les Hauts-de-Vosges, les sportifs locaux qui marchent. On n'est pas forcément sur la performance et sur le fait qu'ils soient en équipe de France, mais on est surtout sur le fait qu'ils rayonnent et qu'ils fassent rayonner les Hauts-de-Vosges. Il y a une chose importante pour qu'un sportif soit à nos couleurs, à nos yeux, c'est qu'il donne ce qu'il peut, le maximum s'il peut. Mais qu'il soit volontaire, quoi, et ça c'est hyper important. Et on a 6 sportifs qui sont en nos couleurs. Outre, je passerai le club de foot qui jouera encore la saison prochaine avec nos couleurs, le club qui regroupe Cornimont-Labresse qui marche bien aussi puisqu'ils montent en régional 3. Mais on a 6 sportifs qui défendent pas que nos couleurs, mais qui nous défendent au travers de leur sport. Alors c'est soit fier, ouais, on est fiers d'eux de les soutenir parce que c'est vrai qu'on a les mêmes valeurs finalement. Donc ça c'est important, et puis comme on le fait transpirer, tout ce qui peut rayonner et faire rayonner les Hauts-de-Vosges nous ramène du monde, et au-delà de les encourager, au-delà de leur donner un peu d'argent, ils font rayonner les Hauts-de-Vosges, et ça c'est important. Et ils ont, pour la plupart, même tous, ils ont une mentalité qui est super, quoi. Exactement. Donc ça c'est hyper hyper important pour nous, et puis ça au niveau de notre image aussi, parce que c'est vrai que si des sociétés n'aident pas ces jeunes là qui le fera. Si personne les aide au départ, ils abandonnent parce qu'ils sont démotivés et ils ont besoin de, d'ailleurs ça peut être même un appel aux autres sociétés du secteur. Ne négligez pas ces petits jeunes là qui ont des besoins d'aide des fois qui demandent pas forcément des sommes astronomiques pour démarrer. En effet, je vois clairement que la confiserie Bressaude, c'est une entreprise familiale, vosgienne, très vosgienne même, qui met vraiment les Hauts-de-Vosges en valeur, par le biais du tourisme, par le biais du sport, le biais des valeurs familiales, c'est vraiment ça. Ouais, puis on est motivé par la réflexion et les gens eux-mêmes qui nous disent, mais vous habitez un coin qui est fantastique. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait 15 jours de pluie, on est bien d'accord. mais au-delà de ça, même, puisqu'il y a tellement de choses à faire, même quand il pleut chez nous, quoi. On a l'accueil, je crois. L'accueil, c'est important. Une de nos forces aussi, je crois, c'est l'accueil. Les Hauts-de-Vosges ont une bonne réputation, et je pense que nous, on est fer de lance un peu dans ce domaine-là, parce que il suffit pas de faire venir les gens, il faut aussi les faire revenir. Et ça, c'est tout aussi important. Oui, c'est extrêmement important après tout. Et est-ce que vous avez, avant qu'on arrive maintenant à la conclusion, vu que l'heure défile vraiment, une toute dernière actualité ou un projet à annoncer à nos auditeurs assez imminent ? Disons qu'on a plein d'idées, mais certaines qu'on ne peut pas dévoiler, parce que malgré tout, on est dans un secteur concurrentiel, hein, on n'est pas les seuls... les seuls confiseurs dans le secteur, donc on a, c'est ça un peu notre force aussi, c'est qu'on foisonne d'idées et les choses vont se faire progressivement. Je pense que niveau fréquentation, on devrait pas mal en profiter de ce qu'on va réaliser. Mais pour le moment, on peut pas trop dévoiler tout ce qu'on a l'intention de faire. Mais les choses vont se passer. Les choses vont se passer. Voilà. Comme déjà tu une bonne dis. Amélioration d'une vue extérieure du bâtiment déjà. Ça c'est dans une confiserie qui a vient un temps. Au bout d'un moment, il faut un peu relooker, quoi. Oui, mais je pense que je peux dire aux auditeurs que pour suivre les projets, les actualités à venir, vous pourrez toujours aller sur la page Facebook de la confiserie Bressaude ou sur le site www.la-confiserie-bressaude.com. Là, vous aurez vraiment toutes les actualités nécessaires. Et ah, ça y est, j'entends le générique qui pointe le bout de son nez. Donc, avant qu'on se dise au revoir, c'est déjà l'heure de faire la programmation de la soirée. Donc, à 19h pile poil, ce sera Culture L avec Titouan. Puis à partir de 20h, c'est La Parole est à vous avec Michel, suivi à 22h de J'ai aimé, je vous le lis de Dominique. Et enfin, la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, demain matin de 7h à 8h, suivi de On refait la Coupe du Monde avec Amadou sur la Coupe du Monde de 1970. Et enfin, la matinale de Marion qui vous racontera la programmation de la journée à venir. Demain soir, on se retrouvera pour parler un petit peu plus de rock'n'roll, hein, vu qu'on on va parler de piercing, on va parler de tatouage avec le Tattoo Show à Épinal ce week-end. Et bien pour retrouver l'émission, hein, comme d'habitude, en podcast sur le site radiogamozo.eu, rubrique L'heure des loups et sur la page Facebook. Et j'en profite, hein, pour faire un gros bisou à tous les auditeurs qui nous suivent, hein, surtout un auditeur fidèle qui tous les soirs m'envoie un petit message pour me dire ce qu'il en a pensé. Hein, merci beaucoup. Et puis, on va déjà devoir se dire au revoir, mais merci beaucoup Bertrand et Denis pour votre présence et votre temps. Et aux bonne auditeurs, soirée, ouais. À tous et à vous toutes. Allez à la confiserie, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, en attendant, on se retrouve demain, même heure, et bonne soirée à tous. Bonne soirée.